l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, la maison d'édition de Sibérie Est de la région d'Irkoutsk de Russie a inséré dans la homepage d'Internet le numéro titré « Capacité coréenne de se renforcer soi-même ». L'auteur a écrit que la capacité de la Corée de se renforcer soi-même est basée sur les idées du jeté et que grâce à ce moral, les Coréens édifieront à coup sûr un État puissant et prospère par leurs propres forces, techniques et ressources.